Fafamba no lika la moto. Il fallait bien quitter les choses avant que les choses nous quittent. Ibrahim Chakou, Sophie Filan Django, bienvenue pour Banza, commandant Cousteau. Natandelio betona motema, c'est les Fambano. Yotalinga yi pamba. Surprise na bombe la yo e komi perile. Na komwa kango la fulu nini bato ba ye bate. Sekele yango e pasko nina. Imaka tumbay malika pika. Sele na yo kina bato ko bali parisienne. Bolingo nanga yo memina son sunite. Lobo kwe sali saka Bayote, boboto nanga, izali lokola ya zolo. Eko boyaka mo pepete, ata ekumela ye. Mungi nditi tope kusere, nasi nasuwa vaccin contre. Infidelite, ne t'en fais pas sele. Erik Moulalu, Yaya, Ravis Robert. Yo mona wapi, basoso mi bale. Bavandela makimoko, turatu. Take no bembo la tungo, suka se azunge la sala na ye. Banda decide aboto la ngavambano, abosani ke azali ko sala enteri. On ne touche pas avec l'amour. Mingi bambete la pona mabala ya bato, et pourtant chance alibala pona moto nyonso. Henriette Massamouna monte mais c'est le Vamban. Clément Moubengaï, Kale Kabasele, Alberto Kalama Poilou, Mette Moal. Bolingo Yangana Ezalo Kolali Kalamoto, Lola Benami Soka Sikome Kako Simbate, Yango Zika. Le distributeur automatique de fond sans plafond est dit bamba. Bolingo yanga na yeza lokola likala moto. Lula bena miso kasi komeka kosimbate. Yanga zika. Toko mule yo zama swa Willy lo bianco Willy de campo yo zama swa Willy lo savo ipo ma fina yo zama swa Maître Ligo ele kase mutu yo zama swa Ipina Jean-Pierre Romino papito mala yo zama swa Sele mamano o angani boli moya na ina yo mala isato loko la pete lo angana kamasia mwana. Adriane Soso e Kolela Fouti qui te rappellera que Osama soit Kalibongo. Jean-Paul Nkondo Lina Travel Mokili Mobimba. l'eau de l'eau.